Les redifs de l'été sur Fadjet. Couleurs locales. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleurs locales, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 et sur Fadjet.net pour votre demi-heure bonne humeur en musique avec les artistes de la région. C'est pas moi qui le dis, c'est la voix que vous venez d'entendre. Il est 13h que vous nous écoutiez samedi ou midi que vous nous écoutiez dimanche. Dans tous les cas, bon appétit à vous. On va s'occuper de vous nourrir aussi. Mais on ne va pas nourrir votre estomac ou votre palais. On ne va pas s'intéresser à ces choses très superficielles. Nous, on va... on va nourrir votre âme. On va nourrir votre esprit. On va nourrir vos énergies, ce qu'il y a dans l'air, votre côté mélomane. On va vous emmener loin, près, ici ou là-bas. Je ne sais où. On verra bien. Avec mon invité. On est avec Antoine HLT. Ça va ? Que dire après ça ? Oui, ça va. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour Pierre. Antoine HLT, je ne vais pas prétendre ne pas te connaître pendant l'émission. Alors, on va poser les pieds dans le plat directement. Je joue avec toi. Je suis présent sur les morceaux qui seront temps, diffusés. Oui. Voilà. Je le dis déjà parce que comme ça, on ne va pas faire genre... tu vois. On ne ferait pas ça de toute façon. 94. On le fait, pas en public en tout cas. Pas en public. 94.1 Nancy, Fadjet.net, couleur locale, la bonne crémière. Vous connaissez la chanson. Interview, diffusion, 2-3 titres, ce seront tes 3 derniers singles. Et tu auras l'occasion aussi d'avoir, j'imagine, quelques petites questions de Lorenzo qui est avec nous, qui est en stage à Fadjet. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Il est beau gosse, Lorenzo. Vous ne le voyez pas parce que merci, c'est de la radio. Merci mais... beaucoup. Une petite barbe comme ça et tout. Changeons de sujet. Oui. Antoine HLT, que fais-tu et pourquoi le fais-tu ? Ouais, question très... Je fais de la musique, de la chanson pop française, je dirais. Chanson pop française. Oui, j'oscille un peu entre les deux. Il y a des chansons qui vont être très, on va dire, traditionnelles chansons, et puis d'autres qui tirent plus vers la pop. Voilà. j'ai un peu de mal à... à dire si c'est plus l'un ou l'autre, mais c'est un peu un mélange. Moi, justement, j'aime bien les mélanges. Et d'ailleurs, dans les morceaux qu'on écoutera, on entendra qu'il y a des morceaux, il y a des, comment dire, des sonorités très synthétiques, un peu vintage. Et puis, il y a des instruments acoustiques auxquels, pour certains, tu n'es pas étranger d'ailleurs. Mais j'aime bien ce genre de mélange. J'aime bien un peu faire des expérimentations et puis concentrer tout ce que j'aime. Parce que bon, pour répondre à la deuxième partie de ta question, c'est tout simplement parce que j'aime ça. Et au fur et à mesure des années, la passion ne se dément pas. Donc tant que la passion est là, je continue. Une passion qui existe depuis 10 ans, je crois, depuis le premier single. Eh oui, il faudrait quelque chose comme ça. 10 ans. Le tout premier single, c'était 2013, effectivement. 2013. Fin Noël 2013. C'était quoi ? C'était Summer Love. Summer Love. Ouais. Un amour d'été, c'est ça. Version québécoise. Et bon, on va dire, il y a eu 2 premiers singles. Là, on va dire, c'était un petit peu le kiff de me dire, bon, ça y est, j'ai sauté le pas, je l'ai fait. Et j'ai commencé plus à me structurer, à le faire plus sérieusement à partir de 2016-2017. Et donc, tu as accouché, accouché de 2 albums déjà, qui sont disponibles sur toutes les bonnes crémières, les bonnes plateformes. On ne le répète jamais assez, hein, mais Spotify, tout ça. Oui, quoi, et les disquaires à Nancy aussi. Et des disquaires à Nancy, oui. Puis tu as des vinyles aussi, je crois. Peut-être pas pour les le deux. Le vinyle pour le deuxième album. Pour le deuxième album. Ça, ouais. Donc on a Le Sens des Marches en 2017, ouais. 2017 et Petit Morceau. Petit Morceau au pluriel en 2020. En 2020. Des albums, évidemment... Je les connais plus ou moins puisque je joue certains morceaux. On est toujours dans cet éclectisme musical. Il y a des patterns qui se répètent, je trouve. Également, on voit dans tes envies. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Qu'entends-tu par là ? Il y a toujours le petit morceau un peu électro-dansant, le truc un peu recherché avec l'accordéon, du violoncelle. Enfin, il y a beaucoup de guests dans tes albums, beaucoup de gens qui sont intervenus. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de musiciens finalement. Comment dire ? Est-ce qu'après, je me répète ? J'espère pas, justement. Ah, ce n'était pas du tout ce que je voulais dire. Mais dans cet éclectisme musical qui est le tien, il y a une patte Antoine HLT, je trouve. Ah bah, tant mieux, merci. Parce que c'est vrai que mes albums, en général, sont assez variés. Mais j'espère quand même trouver une cohérence dans l'éclectisme. Je trouve qu'un album... je trouve ça d'ailleurs passionnant de construire une cohérence d'album, c'est-à-dire que le bon morceau soit au bon endroit. Il y a des moments où il faut que 2 morceaux qui sont un peu dans le même ton s'enchaînent, et puis après il faut créer une rupture et vice-versa. Enfin, j'aime bien. Et je pense que les meilleurs albums, en général, ils ont fait ça. Donc, je ne dis pas que moi, j'ai fait les meilleurs albums du monde. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaye. Enfin, j'essaye de tendre vers l'amélioration constante. Ce qui est une belle chose. Une musique vaut mieux que 10 000 mots parfois. Mais sur Fadjet, dans Couleur Locale, on a des mots et de la musique. Et puis d'ailleurs, Lorenzo, juste après la première musique qu'on va écouter, je te demanderai si tu as des questions à poser à Antoine sur D'accord. cette musique. Alors, tu te prépares bien, tu écoutes bien, tu prends tes notes, Lorenzo. Je te fais confiance. À la lueur de la sortie de ton troisième album, tu les dévoiles single par single, une récurrence de tous les deux mois. Tous les deux mois, oui. Cette fois, j'ai testé une nouvelle stratégie. Oui, d'une part, parce que bon, je me forme beaucoup, je suis des webinaires, je vais à des ateliers, tout ça, où parfois j'achète carrément les formations. Et puis voilà, c'est vrai que c'est maintenant, c'est ce qui se fait, entre guillemets, c'est-à-dire sortir vraiment single par single, parce que parfois ça peut étonner. Et puis aussi, j'ai trouvé un intérêt à le faire comme ça, parce que là, pour le troisième album, il y a un concept, et en fait, de dévoiler les singles les uns après les autres, ça permet de donner des indices sur ce que va être ce concept, justement. Voilà. On ne le dévoilera pas, je pense, pendant l'émission. Peut-être à la fin. Non, bah on peut commencer. Bah on dira ce qui est déjà dévoilé. On dira voilà. ce qui est déjà dévoilé, chers auditeurs. Fadjet, Couleur Locale, on est avec Antoine Achelté. Il est sur les réseaux Facebook, Instagram. Il est connecté, car il sait que pour pouvoir être vu, pour que son art puisse être compris et apprécié, il vaut mieux éviter d'être dans des zones troubles. Oui. C'est vrai. C'est ça, c'est pour enchaîner juste avec le prochain morceau ou je parle des réseaux sociaux. Non, on en aura pour des heures. Oh, bon. Non, c'était pour enchaîner parce que, chers auditeurs, je suis le roi des transitions et vous l'aurez compris, le premier morceau, le single s'intitule Trouble et pas Zone Trouble. Du coup. Et ça parle de quoi, Trouble? Parce que souvent, je pose la question aux chanteurs, aux artistes, je leur dis ça parle de quoi et soit on me dit bah, les gens, ils ont qu'à écouter la musique ou soit on nous tease un peu quand même. Est-ce que tu pourrais nous teaser un peu de quoi ça parle? À la limite, je dirais, on en parlera après. Les gens peuvent se faire une idée et on verra si l'idée colle avec ce que je pensais. Ce que tu as voulu faire. Parce que je pense qu'il y a certains moments où je suis resté un peu vague, un peu trouble. Non, mais exprès. Voilà. Eh bien, on écoute Trouble de Antoine Achelté sur Fadjet dans Couleur Locale. Moi, l'écho diffus d'une voix m'envahit. Les redifs de l'été sur Fadjet. Trouble de Antoine HLT, un single qui est sorti au mois de janvier. Au mois de janvier. Moi, j'aime bien, forcément. Mais toi, Lorenzo, as-tu des questions, des commentaires, des remarques ? Alors, un avis, ouais. Un avis, comme je disais tout à l'heure, je trouve ça très, très, très aérien. Mm-hmm. C'est assez libre. C'est reposant, je dirais même. Et le mélange des deux voix ensemble, des deux voix qui, du coup, est la même en soi. Pour le coup, oui. Mais même la façon dont c'est fait, la façon dont c'est ajouté, c'est... Ouais. C'est, on dirait un petit peu une chanson qu'on entendrait dans un rêve ou... Oh, pas mal. Non, franchement, c'est, j'aime bien. Ça, c'est beau, ça. Une chanson qu'on entendrait dans un rêve. Lorenzo, stagiaire à Fadjet et qui a déjà la radio dans le sang. En fait, je devrais faire poète, je pense. Ou voilà. Poète, ouais, poète. Ouais, mais c'est... J'avais jamais vu ça comme ça, mais effectivement, oui, on dirait une espèce de balade onirique. Je pense que c'est la chanson la plus douce du troisième album. Et oui, j'ai bien aimé cette ambiance à laquelle d'ailleurs ça n'a pas été mon premier choix entre guillemets parce que pour cet album, j'ai pas signé toutes les compositions. Là, c'est une composition de Fred Bianconi. Et en fait, justement, pendant le confinement, j'avais quelques chansons, mais j'avais aussi envie de m'ouvrir à d'autres choses. Et j'avais entendu certaines choses dans les tiroirs de mes arrangeurs qui me plaisaient beaucoup. Donc, je leur ai dit, j'aimerais bien les prendre. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et là, il m'a dit, prends ce que tu veux. Alors, du coup. Je me suis rué sur Narcisse et moi, qui était un vrai coup de cœur, qu'on entendra tout à l'heure. Mm-hmm. Et celle-là, on faisait partie, mais ça n'a pas été mon premier choix. Je la trouvais bien, mais peut-être justement trop onirique, trop lente. Puis finalement, c'est le genre de morceau où, quand il revient, j'ai l'impression que tu lui retrouves plus d'attrait au fur et à mesure des écoutes. Et par ailleurs, pour l'anecdote, Trouble était une chanson que j'avais écrite parole et musique, mais qui était beaucoup plus longue et beaucoup plus chanson, justement. Et j'en étais moyennement satisfait. Et en fait, sur ce morceau, je me suis dit, mais ça collerait super bien. Et j'ai beaucoup épuré le texte. Et ça donne ce résultat-là. Et au final, je la trouve beaucoup plus efficace comme ça. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question de tout à l'heure et mettre fin à ce suspense insoutenable, c'est un souvenir d'adolescence, en fait, l'inspiration. C'est... quelqu'un dont on tombe éperdument amoureux, mais et puis ça bouleverse tous nos codes, tous nos repères. Et en même temps, quand tout ça finit par se dissiper, après beaucoup, beaucoup de temps, on se dit, mais qu'est-ce que c'était ? C'était rien. Puis cette personne, je la connaissais pas vraiment, parce que voilà son vrai visage. Ça, c'est parti de là. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, j'essaye dans mes chansons de faire en sorte que ce soit, entre guillemets, universel, quoi, que ce soit pas juste mon histoire, blablabla, c'est... Faut que ça évoque des images, que ça inclue l'auditeur. Donc voilà. Antoine HLT sur Fadjet dans Couleur Locale, 94.2 à Nancy et Fadjet.net. Alors voilà, de l'amour, un souvenir d'amour. L'amour est quand même une thématique assez récurrente, je trouve, dans tes morceaux, en tout cas dans ceux que je connais. Mais tu parles de plein de choses. Qu'est-ce qui te vient en premier ? Oui, c'est marrant que tu dises ça en plus, parce que quand j'étais petit, je supportais pas les chansons d'amour. quand j'étais petit. Bon, après, évidemment, on grandit, puis les sentiments deviennent justement près d'une place importante dans la vie, et ça devient un sujet, j'ai envie de dire, incontournable, quoi. Mais sinon, un autre gros sujet, le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'écologie. Non, on va pas entendre de chansons qui en parlent aujourd'hui, mais il y en a pas mal, mine de rien, que ce soit... le végétarisme, que ce soit l'avenir des enfants ou bien le premier single que j'avais fait, Œil de Sisyphe, c'était aussi sur le sens qu'il y a derrière tout ça. C'est qu'il y a un moment, on est tous là en train de s'exciter, de s'énerver, de dire « Oh là là, il y a du burn-out d'un côté, du chômage de l'autre, et puis vite, vite, vite, faut y aller. » Et puis, en attendant, on détruit tout, on se dit « Ah oui, c'est bien triste », et puis on continue. Et voilà, moi, ça, c'est un... Enfin, c'est même, disons que pour moi, l'écologie, c'est presque un non-sujet. Ça devrait être un état de fait qui nous habite, mais ce n'est pas le cas parce qu'on s'en est trop détaché et on fait des choses un petit peu... on se marche sur la tête des fois, quoi. Et bon, c'est dommage. Est-ce que tu dirais que tes chansons sont engagées ? Oh non. Non, j'espère qu'elles sont... j'allais dire intelligente que ce soit pas, enfin le texte est pas fait juste comme ça par hasard, mais non, la chanson engagée, je pense que c'est un, c'est presque un genre à part entière. Non, voilà. Non, mais j'ai toujours voulu te poser cette question-là. Et je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas que ce soit engagé. Je pense que c'est très souvent intelligent, très mélodique et qu'il y a beaucoup d'humour aussi dans tes textes. Concerné, peut-être. Oui, concerné. L'écriture concernée. Concerné. Je vais te poser cette question parce que c'est une question que je suis obligé de poser, mais c'est celle des influences. Malheureusement ou heureusement, je les connais, mais pour les auditeurs, je vais te poser la question. Est-ce que tu as des grands artistes qui influencent ton œuvre? Forcément. Après, il y en a des évidents, puis il y en a des périphériques. Je cite toujours Anne Sylvestre, là, bon, justement pour le côté chanson à texte, parce que ça, c'est la chanteuse, je crois, que j'écoute depuis que je suis le plus petit, parce qu'au début, j'écoutais les chansons pour enfants, puis j'ai basculé sur le répertoire adulte. Et ça, je crois que ça restera unique dans ma vie, de fait. Après, à l'adolescence, j'ai beaucoup matché justement sur des artistes des années 80, même si c'est entre guillemets honteux de le dire. Ben non, j'assume totalement avoir écouté Images, Début de soirée, Julie Pietri, et puis même encore maintenant, elle a un superbe album que j'écoute souvent. Bref, mais et puis Mécano aussi, beaucoup, le groupe espagnol. Qui ne se résume pas aux 2-3 chansons qu'on connaît en France, qui a toute une carrière. Puis après, il y a aussi tous les artistes récents. J'aime beaucoup découvrir de nouveaux artistes et puis voir un peu ce qui se fait. Et puis ce qui se fait, pas forcément dans ce qu'on entend en premier lieu, qu'il y a beaucoup de pépites qui sont un peu cachées. Je pense qu'il y a Rouge Congo, Abel Chéret, Alexia Grédy. Voilà, il y en a pas mal des nouveaux que j'aime beaucoup. Et je suis très friand justement de découvertes comme ça. Très friand de découvertes. C'est Antoine Achelté sur Fadjet dans Couleur Locale. Il faut que j'arrête de répéter les dernières phrases qu'on me dit. 94.2 à Nancy et Fadjet.net. Le podcast sera disponible, si vous avez raté le début de l'émission, sur le site de Fadjet pendant une semaine. Et peut-être bientôt sur Mixcloud si je paye l'abonnement. Parce qu'on vit dans un monde, mon cher Antoine, mon cher Lorenzo qui est avec nous, on vit dans un monde où parfois on se fait saigner et parfois on a du mal de dire non. Et notamment dans le monde du travail, ce qui est le sujet de Non, Non, Non, single qui est sorti juste après Trouble. En mars. En mars, sur lequel je suis aussi, voilà, instant promo. Et il y a d'ailleurs une version acoustique live qu'on peut... Oui, qui est aussi sur les plateformes. Qui est sur les plateformes. Bah, c'est vrai que c'est un autre intérêt de sortir single par single, c'est que comme quand on sort un single, en fait, j'allais dire, on a droit à 3 titres quand on passe par un agrégateur. Bah, j'ai exploité les 3 titres, mais la version instrumentale et une version alternative. Donc soit c'est une extended, soit c'est donc version longue, soit c'est une version acoustique ou un remix. Voilà, j'aime bien. Et ça permet aussi, mais ça demande du travail aussi, de travailler l'univers visuel de chaque titre. Donc soit un clip, soit une lyrics vidéo, une pochette. Mais bon, effectivement, là, j'avoue que mine de rien, au bout de... Ça fait quoi, depuis septembre que j'ai commencé ça? Ouais, ben, je vais pas dire que je suis essoufflé, parce qu'il y en a encore sous la semelle, j'espère, mais ouais, ça demande du taf, quand même. En tout cas, j'espère que vous appréciez ce travail, chers auditeurs. Vous qui nous écoutez depuis chez vous ou depuis votre voiture, on va apprendre à dire non. C'est Non, Non, Non d'Antoine Achelté. On se retrouve juste après. Mario s'est connu les... Les redifs de l'été sur Fadjet. Non, non, non, d'Antoine HLT. Single du futur album qu'on attend de pied ferme quand même. Hein. Ah, et ben, si vous l'attendez de pied ferme, vous pouvez participer au projet parce que j'ai lancé un financement participatif sur Ulule qui démarre bien d'ailleurs, je suis content. Ouais, ça et, marche bien. Donc voilà, vous pouvez participer au financement. Alors l'album, il est déjà. Les musiques sont prêtes. Et là, ce qui reste à financer, ben, c'est le pressage des CD et le graphisme pochette, livret, parole, parce que je mets ça à chaque fois, ça fait partie aussi du plaisir et du boulot. Et donc voilà, vous pouvez contribuer. Contribuer même si un vous euro. Aimez. Oui, à partir d'un euro, même symbolique, ça fait toujours plaisir. Lorenzo, puis, tu vas mettre un euro. Merde. Bah c'est malin, tu le mets en porte-à-faux à l'antenne, tu sais. Je plaisante. Couleur locale 94.2 Nancy, Fadjet.net. Les samedis à 13h, les dimanches à midi, podcast sur le site de Fadjet. Antoine HLT, deux albums, Deezer, Spotify. Tu es sur Facebook, Instagram. Un troisième album qui va sortir. Des singles dévoilés tous les deux mois. On a écouté Trouble et non. On écoutera le dernier sorti en fin d'émission qui s'intitule Narcisse et moi. Tu n'es pas tout seul dans tes projets. Je pense qu'on peut remercier tout à fait les gens qui sont avec toi. Oui. Du coup, il y a Antoine Bridet qui m'accompagne à la scène et à la technique scénique. Je déteste. Non. Bah, du coup, il y a toi qui t'es greffé il y a quelques mois maintenant pour les instruments avant et ben aussi j'allais dire un renfort scénique, c'est plus qu'un renfort, une nouvelle formule scénique, voilà, en alternance avec une autre qui est plus légère. Et puis après il y a Joss Gérard du studio Joss Singer à Champignol, très très présent parce qu'il a fait le mixage et pas mal d'arrangements. Fred Bianconi qui a fait beaucoup d'arrangements aussi, le premier Trouble c'était lui ainsi que la composition, et là non, l'arrangement était de Joss. Enfin, en collaboration avec moi, mais c'est quand même lui qui est aux manettes. Et après, qui on a d'autres ? Il y a Sofiane Soufi, que je n'ai pas encore beaucoup cité. Il a fait un morceau qui sera dévoilé ultérieurement. nous avons Philippe Gâteau, toujours investi. Et puis là aussi, pour le mastering, c'est important de dire, j'ai fait appel à une pointure, Alex Goffer, qui a travaillé avec vraiment des stars. Julien Doré. Tout ça. Clara Luciani. Donc là, j'ai sorti le porte-monnaie, j'ai fait appel à lui, il a fait un super travail et je pense que ça se ressent dans le son. On a plus un gros son radio. Ça passe bien. Et du coup, à un moment, on a rien sans rien et je suis très content. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci pour l'invitation. De rien. On fait quand même encore une dernière question. Quand est-ce que sort le prochain single du coup? En juillet, si tout va bien. Voilà, le 16 juillet. J'ai hâte de savoir lequel il s'agit. Eh oui, mystère. Attendant, le financement participatif est en cours sur Ulule, n'hésitez pas. Et il y a aussi mon site internet, on l'a pas dit, antoine-hlt.com. On ira sur on ira sur toutes ces plateformes. On te souhaite le meilleur pour la suite, Antoine. Merci à toi. Couleur locale tous les samedis 13h, les dimanches à midi, 94.2 Fadjet. Point net à Nancy, 30 minutes avec les artistes de la région. Pierre au micro, je suis aussi sur Facebook Fadjet Couleur Locale, le site de Fadjet. Merci Lorenzo. Merci d'avoir à été vous. Là et chers auditeurs, je vous souhaite une bonne écoute sur les ondes de Fadjet avec votre programmation musicale éclectique, qu'elle soit locale, nationale ou internationale. Allez, ciao, bye bye, c'est Narcisse et moi, Antoine HLT. que j'ai les doigts mouillés.